tous et bonjour l'autre. Je vous souhaite la bienvenue sur cet épisode numéro 2 du JUJ. Alors tout d'abord, je tiens à m'excuser des délais entre les épisodes qui commencent à se rapprocher d'une certaine émission d'analyse des vidéos que je ne citerai pas. Mais j'avais plusieurs problèmes. Enfin, j'avais tout d'abord le brevet à réviser, ensuite les vacances, d'autres problèmes un peu plus personnels. Bref, je n'ai pas pu sortir un épisode aussi rapidement que je l'aurais voulu. Donc je m'en excuse. Mais bon, en tout cas, là, je suis en train d'enregistrer. Et c'est déjà ça. Donc j'espère que vous avez tous passé de bonnes vacances. Pour ma part, c'était très bien. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une académie. Alors, ne fuyez pas en courant, ce n'est pas une académie tout à fait ordinaire. En fait, cette académie, c'est une académie italienne qui se situe à Rome, qui s'appelle l'Academia Vivarium Novum. De toute façon, vous aurez tous les liens dans la description du podcast. Donc en fait, la particularité de cette académie, elle en a plusieurs. Bon, déjà, c'est une académie surtout de lettres et de lettres antiques. Deuxièmement, c'est une académie où l'année ou les deux années d'enseignement, ils sont tout à fait gratuits. À part le logement, évidemment, qu'il faut payer. Et troisièmement, dans cette académie, la particularité, c'est que tout le monde, des élèves aux professeurs, et pendant les cours et hors des cours, parle latin continuellement. Et du coup, ils parlent latin couramment, aussi couramment que là, je suis en train de parler français. Et c'est assez étonnant, parce que j'y ai été avec ma classe il y a un an, il y a deux ans. Et c'est assez étonnant parce que ça rend en quelque sorte le latin vivant, ça fait qu'il reste un endroit où le latin est vivant. Et pour les débutants, par exemple, ils ont une méthode qui s'appelle Lingua Latina per se illustratas, et dont le premier tome qu'ils utilisent qui s'appelle Familia Romana. Et le principe de cette méthode, c'est que tout est écrit en latin, il n'y a aucune explication en quelque langue que ce soit. Du coup, ce qui fait que on apprend le latin comme une langue vivante et que n'importe qui de n'importe quel pays peut l'apprendre. Parce qu'en effet, dans l'académie, il y a des gens qui viennent de tous les pays, qui viennent autant d'Asie, d'Afrique, d'Amérique, de partout. Absolument de partout. Voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur cette académie? Ils organisent, ils ont tout ce qui est leur cours pendant toute l'année. Après, pendant l'été, ils organisent des cours intensifs de latin pour lesquels il faut payer. Donc c'est de là qu'ils prennent leur argent. Mais ils le louent. Oui, et aussi ils louent dans un bâtiment qui appartient à un ordre religieux féminin. Donc la conséquence, c'est que tous les étudiants de l'académie ne peuvent être que de sexe masculin. Donc ce qui peut être un moins, mais d'un autre côté, on ne peut pas vraiment le changer. Mais vu qu'il prévoit un déménagement vers un autre site, il est possible que ça s'élargisse aussi à la gente féminine. Voilà, c'est très intéressant, donc je vous invite à vous renseigner sur cette académie. Bon, je ne pense pas que mes auditeurs ont des études orientées vers ce domaine-là, donc, et que ça les intéresserait de plus près. Mais c'est toujours intéressant d'y penser un peu. Après, s'il y en a qui étudient le latin, ça peut toujours arriver, ils peuvent jeter un coup d'œil sur la fameuse méthode dont j'ai parlé. Donc voilà, je pense que ça va être tout. Donc j'espère qu'on se retrouvera très vite dans un prochain épisode. En tout cas, plus rapidement que n'a été le délai entre celui-là et celui d'avant. Donc, pour le podcast, vous pouvez le retrouver sur Google+, sur Facebook, sur Twitter. En tout cas, tout sera dans la description. Moi, vous pouvez me retrouver surtout sur Twitter, @harly2001. Voilà, j'espère que cette rapide écoute vous a été agréable. Et je vous souhaite une agréable soirée et journée. Et donc, à dans deux semaines probablement. Ciao.